C'est la meilleure période de la vie, les débuts de relation, je comprends trop. Vous soyez à fond comme ça, j'imagine trop le moment où vous lui envoyez des textos genre coucou. Je sais que c'est le début, mais je voulais simplement te dire que je suis bien avec toi. Trois petits points. Réponse d'Emmanuel, moi aussi, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis hyper longtemps. Trois émoticônes, jour rouge. Réponse des Français, si jamais ça te dit après mon dîner, je peux peut-être passer te faire un coucou. Réponse d'Emmanuel, j'adorerais, trois petits points. Réponse des Français, à ce soir, trois émoticônes, bisous cœur. C'est tout à fait ça. Et là, t'as Macron qui répond plus à votre dernier message, coup de flip. Pourquoi il n'a pas répondu à mes trois émoticônes, bisous cœur? Je suis sûr qu'il est moins dedans que moi. Là, il va se dire que je le colle trop, j'aurais jamais dû mettre trois bisous cœur. Un seul, c'était assez, je suis nul. Quel gâchis. Quelle honte. C'est moche ce que vous avez fait, Delphine Ernotte. C'est dégueulasse même. Vous en prendre un plus petit, c'est facile, madame la présidente de France Télé. En revanche, pas de touche à Laurent Delahaye, ça. Ça vous le laissez, Lolo la mèche. Lolo la tête de gondole pour ménager en mal de frisson. Lolo l'œil en coin, comme un petit vicelard qui a toujours l'air de proposer une partouze, même quand il parle de la guerre. C'est un crime contre l'humanité de virer Pujadas. C'est sacrifier une espèce en danger. J'ai eu du mal à me remettre de cette rupture. Vivre sans l'être aimé, c'est vrai que c'est dur. Il m'avait dit que notre histoire allait durer, qu'on finirait pas comme Élie et Dieudonné. Amazing grace, how sweet the sound. Excusez-moi Charline, mais aujourd'hui j'ai pas le cœur à rire. Hier j'ai perdu mon meilleur ami. Non, c'était pas toi Guillaume. Désolé, le jour où tu auras le goût d'un billet de 100 euros, là on verra. Rien contre les gros patrons, hein, je sais pas. Vous faites pas de racisme anti-gros patron. Non, non. Et aussi, encore une fois, j'avais qu'à faire comme eux. Ah, c'est vrai ça, on avait qu'à naître dans la famille Bolloré après tout. Hein, qu'est-ce que vous êtes cons aussi avec vos familles de loose là. Juliette, c'est encore pire. Elle est née dans la famille Arnaud, mais pas la bonne. Pas celle de Bernard. Là, c'est vraiment la loose de la loose, quoi. C'est la loose au carré, Juliette Arnaud. C'est comme si un SDF s'appelait Rockefeller, quoi. Alors, monsieur Hanouna, c'est pas drôle. Mais hein. si D'ailleurs, il n'y a pas que ses yeux qui se sont fait bander. Je suis énorme. Monsieur Hanouna, la sanction que nous avons à vous proposer est de supprimer la pub autour de votre émission pendant 3 semaines. Non, mais vous êtes des ouf, les mecs, supprimer la pub. Vous êtes complètement rasera. Mais je ne connais pas ce mot. C'est l'inverse de Darka. Bon, oui, voilà. Nous sommes bien sûr prêts à discuter. Nous ne sommes pas obtus. Ah, ça, c'est Darka. Allez, dites-moi. Et si vous voulez, je peux vous copier 200 fois. Je ne ferai plus de touche pipi sur le plateau. Il se fout de nous. Ça va faire un manque à gagner de 3 millions d'euros, c'est beaucoup. Bah heureusement, non. Parce que le fisc français qu'il a attaqué en justice et contre qui il a gagné vient de lui reverser 315 millions d'euros pour suppression d'une niche fiscale. C'est un peu comme si l'État lui avait dit « Bon, allez, on passe l'éponge pour Hanouna » et voilà quand même un chèque de 312 millions d'euros. Oh, je crois que je suis amoureuse. Mais la haine ne résout rien. Toutes les bonnes choses ont-ils